L'année de type, c'est pas une tuerie, c'est un génocide. Je fais un braque et vos têtes, comme elles bougent, vous descendent. Chacun ses principes, sa façon de penser. Je peux rapper comme vous, mais j'en ai pas envie. Je te rappelle, je pèse le rabel, j'ai la peste quand je vous fais de la peine. Mais j'ai commencé tout seul, personne m'a cité. Je suis plus haut que le 7ème étage. Comme c'est pas de métac, je vois plus loin que la fumée de mes tasses. C'est pour les gars de la salle qui font des grosses tractions. C'est pour les petits lascars qui font des transactions. Dis à ta madre que je suis pas célibataire. J'oublierai pas ma première cuite au parc, mon premier spiff aux cartes, la lame de ce psychopathe. Et le rabel, j'écarte ses cuisses, donc ta gueule crie nos places. Las malas.